On va aborder deux questions qui ont été posées au Cheikh. Et j'ai choisi ces questions-là du fait qu'elles ont justement été posées dernièrement. La question lui a été posée. Qu'en est-il du prédicateur qui appelle les gens à faire quelque chose alors qu'il ne peut pas le mettre lui-même en application? Et on peut trouver donc cette question ainsi que la réponse du Shir dans un livre qui réunit certains de ses fatwas et qui est intitulé As-Sahwa al-Islamiyya à la page 107. Le Shir, donc, en résumé, a répondu qu'il est obligatoire au prédicateur d'être un modèle pieux, dans le sens où il doit être le premier à faire ce qu'il dit et le premier à s'écarter de ce qu'il condamne. Puis il a expliqué qu'il est possible et envisageable qu'un individu appelle à l'accomplissement d'une œuvre de bien et qu'il ne la fasse pas du fait qu'il est préoccupé par ce qui est meilleur et plus méritoire. Par contre, si la cause de son non-accomplissement de cet acte n'est pas telle et que rien ne s'oppose à ce qu'il accomplisse, alors qu'il se méfie d'être de ceux qu'Allah a visés en disant « Ordonneriez-vous aux gens de faire le bien alors que vous oubliez vos personnes et que vous récitez le livre ?» Ne raisonnez-vous donc pas? Ou d'être tel cet homme à propos duquel le prophète alayhi salatu wasalam a dit qu'il sera jeté en enfer et que ses intestins sortiront de son ventre? Naam. Et le prophète alayhi salatu wasalam a décrit donc le sort de cet homme-là en enfer, et parmi ce qu'il a mentionné, le fait que les habitants de l'enfer vont venir vers lui en lui disant « Que t'arrive-t-il? Ne nous incitais-tu pas auparavant à faire le bien? Et ne condamnais-tu pas le fait que nous fassions ce qui est blâmable ?» Et cet homme-là répondra « Oui, je vous incitais à faire le bien, mais je ne le faisais pas, et je vous dissuadais de faire le mal, et je le faisais. » Puis le Shir a expliqué qu'il convient donc, dans ce sujet-là, de faire preuve de prudence et de précaution. Enfin, il a dit que malgré cela, nous ne disons pas « si tu n'accomplis pas telle œuvre de bien, alors n'invite pas autrui à l'accomplir ». Nous disons plutôt, si tu n'accomplis pas cette œuvre de bien, alors tu as été privé du bien. Mais ne prive pas ton âme d'un autre bien, à savoir le fait d'y appeler. À savoir le fait d'y appeler. Notre question a été posée, et la réponse constitue un complément à la réponse qu'il a donnée à cette première question. La question lui a été posée, et on la retrouve également donc dans le livre As-Sahwa al-Islami à la page 113. Les deux versets suivants prouvent-ils que celui qui se rend coupable d'un acte blâmable ne doit pas réprimander autrui s'il la commet? Ces deux versets sont « Ô vous qui avez la foi, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ?» Et donc le deuxième verset « Ordonneriez-vous aux gens de faire le bien alors que vous oubliez vos personnes et que vous récitez le livre, ne raisonnez-vous donc pas ?» Le Shir a expliqué que non. Il ne prouve pas que celui qui se rend coupable d'un acte blâmable ne doit pas réprimander autrui s'il le commet. Mais ils indiquent plutôt la gravité de leur manière d'agir. Car c'est là de la contradiction, de même que de la sottise et de l'égarement. Comment peux-tu réprimander autrui au sujet d'une chose que toi-même tu fais? Comment peux-tu inciter à faire une chose que tu ne fais pas? Et le Shir a également expliqué que c'est là un manque de véracité. Car celui qui est véridique dans le fait d'inciter autrui à faire le bien, il va être le premier à l'accomplir. De même que celui qui est véridique dans le fait de chercher à dissuader autrui de faire le mal, il va être le premier à le délaisser. De même que cette manière d'agir-là est condamnable et est en opposition avec la raison et la religion. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a blâmé les enfants d'Israël en disant « Ne raisonnez-vous donc pas ». Donc c'était là ces deux réponses de ce noble shaykh, rahimahullah ta'ala. En résumé, Allahu al-musta'an, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Combien il reste?